Voici d'abord les 8 poèmes que j'ai choisis dans Autrefois, le premier volume de Contemplation. Livre 1, poème 1. À ma fille. Ô mon enfant, tu vois, je me soumets. Fais comme moi. Vis du monde éloigné. Heureuse? Non. Triomphante? Jamais. Résignée. Sois bonne et douce. Élève un front pieux. Comme le jour dans les cieux met sa flamme, toi, mon enfant, dans l'azur de tes yeux, mets ton âme. Nul n'est heureux, et nul n'est triomphant. L'heure est pour tous une chose incomplète. L'heure est une ombre, et notre vie, enfant, en est faite. Oui, de leur sort, tous les hommes sont là. Pour être heureux, à tous destin morose, tout a manqué. Tout, c'est-à-dire, hélas, peu de choses. Ce peu de choses est ce que pour sa part dans l'univers chacun cherche et désire. Un mot, un nom, un peu d'or, un regard, un sourire. La gaieté manque au grand roi sans amour. La goutte d'eau manque au désert immense. L'homme est un puits où le vide toujours recommence. Vois ces penseurs que nous divinisons, vois ces héros dont les fronts nous dominent, noms dont toujours nos sombres horizons s'illuminent. Après avoir, comme fait un flambeau, ébloui tout de leurs rayons sans nombre, ils sont allés chercher dans le tombeau un peu d'ombre. Le ciel, qui sait nos maux et nos douleurs, prend en pitié nos jours vains et sonores. Chaque matin, il baigne de ses pleurs nos aurores. Dieu nous éclaire à chacun de nos pas, sur ce qu'il est et sur ce que nous sommes. Une loi sort des choses d'ici-bas et des hommes. Cette loi sainte, il faut s'y conformer. Et la voici, toute âme y peut atteindre. Ne rien haïr, mon enfant, tout aimer ou tout plaindre.